comme aux initiales, bougie d'un amour sans faille. Tu ne sens pas que je m'éloigne, trop d'années qui partent sans bruit pour le grand musée de l'oubli. Mais ce soir il est encore temps de retrouver le temps, oh oui le temps. Oh, tu me disais vous, vous, c'était le temps des roses et du rose à joues. Oh, oh, oh, vous, tu voulais m'enlever pour les tout à tout. Oh, oh, oh, vous, souviens-toi de nos doux premiers rendez-vous, le cœur au vin. Celle qui riait beaucoup. Oh oh oh vous, j'ai besoin, besoin fou ce soir, je l'avoue. Moins de toi que de nous. Je connais déjà la suite, manque d'air et d'insolite, besoin d'un cœur qui palpite. Oh, j'ai des envies de dynamite. Trop de rêves se sont enfuis du vert paradis de mes nuits. Et ce soir c'est bien le moment de retrouver le temps, oh oui le temps. Où oh, tu me disais vous, vous, vous, pour un soir essayons de nous redire vous. Oh vous, remettons un peu de mystère entre nous. Oh oh oh vous, souviens-toi de nos tout premiers rendez-vous.